Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 12 décembre, nous souhaitons une bonne fête aux Corentins. Le dicton du jour nous dit à la Saint-Corentin, le plein hiver glace le chemin. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée internationale de la neutralité visant à promouvoir la diplomatie préventive et journée de la couverture sanitaire universelle adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2017. Pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 12 décembre. On écoute donc tout de suite Chris qui nous parle du don du sang pour ce mois de décembre. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo, 107 FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du Sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de décembre 2019 de notre département. Tout d'abord, et comme je le répète chaque mois, il est important de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour répondre à cette exigence, voici le programme des Journées du Sang pour le mois de décembre 2019 dans notre département. Le 12 décembre 2019, à Xaurulhonge-Mer, à la salle polyvalente, située à l'adresse 15 place du 22 octobre 1919, de 16h à 19h30. Le 20 décembre 2019, à Bussan, à la salle des fêtes, située 2 place de la mairie, de 16h à 19h30. Le 23 décembre 2019, à Thiéfos, à la salle polyvalente, située à l'adresse 1 chemin Vieux-Pont, de 16h à 19h30. Le 27 décembre 2019, à Domartin-les-Remiremont, à la salle des fêtes, située à l'adresse 51 rue de Pont, de 16h à 19h30. Je le répète une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Et après Chris, on donne la parole à Lia qui nous parle d'un concert qui a lieu ce vendredi. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus sur Radio Guémozo 107 FM et aujourd'hui nous faisons un petit tour vers notre billet de sortie version locale avec nous aujourd'hui et eh bien Pierre-Marie Budelot qui nous parle et eh bien d'un concert. Pierre-Marie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Eh bien, c'est super. Alors, ce concert, eh bien, il se déroule avec donc l'école intercommunale de musique de la Porte des Vosges méridionales. Rien que ça, et il aura lieu, en tout cas, ce premier concert, ce vendredi 13 décembre à 20h. C'est bien ça? Ça, oui, au centre socio-culturel de Saint-Labor. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retrouvera durant ce concert? En fait, c'est un concert d'élèves et quelques professeurs aussi qui jouent avec eux, mais surtout, voilà, des élèves de l'école de musique. Ils jouent et surtout des grands ensembles, voilà, et on aura du chant, on aura de la percussion, on aura des instruments à vent, d'accord, voilà, très très variés. Super, alors ce sont des élèves qui sont dans cet instrument, qui pratiquent depuis combien de temps environ? Est-ce qu'il y a des débutants? C'est très variable, c'est très variable parce qu'il y a des jeunes qui vont chanter, qui sont dans les cours, on dit d'éveil musical, initiation musicale, donc il y en a qui ont 4 ans. Oui. Voilà, ah donc oui. Ils vont chanter quelques chants de Noël, voilà, avec des un petit peu plus âgés qu'eux. Super. Et puis on a des adultes aussi, voilà, on a des gens jusqu'à allez, 70 et quelques années supplémentaires qui, voilà, qui se produisent aussi en public. C'est chouette ça de mêler un petit peu intergénérationnel, ça c'est sympa. Ben oui, oui, et puis là, c'est intergénérationnel et inter-instruments aussi. On a aussi, pour la première fois, l'orchestre junior vent de l'école qui va se produire, qui réunit deux orchestres qui sont sur le territoire du Val d'Ajol et l'autre sur Remiremont, qui vont, voilà, pour la première fois jouer ensemble. Waouh! Voilà. C'est super. Donc ça, c'est un petit peu le but justement de cette école intercommunale de musique de la Porte des Vosges méridionales. Hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc ça regroupe tout un ensemble de communes. Oui. Hein, c'est ça. Oui, on est vraiment sur tout le territoire de la communauté de communes. Il y a les 10 communes de la communauté de communes. Voilà, c'est le moment pour eux de se retrouver et de jouer ensemble. Il y aura également eh bien des concerts de Noël. Ça se passe pour ce premier samedi, eh bien ce samedi justement, hein, 14 décembre. au sein de l'abbatiale de Remiremont à 20h30 et ensuite le samedi 21 décembre à 20h30 également à l'église de Plombières. Voilà, tout à fait. L'école est associée aussi également à ces concerts. D'accord. Alors c'est des concerts traditionnels, on va dire de Noël, qui est organisé par deux grandes associations du territoire, le Chœur des Abbesses, oui, et le Brass Band de Remiremont. Wow. Voilà, qui organise depuis très longtemps des concerts communs à l'occasion de Noël. D'accord. Et là, cette année, on a un autre ensemble de saxophones aussi qui va participer, de l'école intercommunale de musique, voilà, qui participe à Plombières, et puis le Brass Band Junior aussi qui va être sur les, voilà, c'est des deux concerts. C'est super pour ces élèves justement de pouvoir se produire en public, hein, c'est un petit peu quand même l'aboutissement de tout le travail qu'ils fournissent. Bien sûr, hein, ouais, c'est le but, ouais. C'est on travaille là-dessus toute l'année. Ah voilà, donc ce premier concert ça aura lieu ce vendredi 13 décembre à 20h au Centre Socio-Culturel de Saint-Nabord, au sein de la Salle d'Europe. Donc vous y retrouverez les élèves de l'École Intercommunale de Musique de la Porte des Vosges Méridionales. Et ce concert est en entrée libre, donc surtout n'hésitez pas à aller vous divertir les oreilles et encourager ces élèves. Merci beaucoup Pierre-Marie Budelot d'avoir répondu à mes quelques questions et on vous souhaite une très très bonne continuation avec vos élèves, très belle continuation musicale pour tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Lia. Tout de suite, on s'écoute Manu Dibango. Nessa bagunça, na. Macosa, bata somos tú. Yonce, bata Yonce, Macosa. Banaru carona y viva, si malo de Macosa. Et voilà, c'était Manu Dibango. Allez, on fait un point sur tous ceux qui sont nés un 12 décembre 1933. Naissance de Manu Dibango, chanteur camerounais. 1938, naissance de Connie Francis, chanteuse américaine. 1940, naissance de Dionne Warwick, chanteuse américaine, notamment connue pour le titre I See a Little Prayer, dont on écoute tout de suite un extrait. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart. Voilà pour l'extrait de Dionne Warwick. Allez, on continue les anniversaires. 1945, naissance de Patrice Duhamel, journaliste français. 1949, naissance de Bill Nighy, acteur britannique, vu dans le fantôme de l'opéra Love Actually, Underworld 1, 2 et 3 dans le rôle de Victor, Pirates des Caraïbes 2 et 3 dans le rôle de David Jones, Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie dans le rôle de Rufus Scringour, La Colère des Titans dans le rôle d'Héphaïstos, Total Recall, Mémoire Programmée, et plus récemment, cette année, dans Pokémon Détective Pikachu. 1958, naissance de Sherry Julienne Wilson, actrice américaine, vue dans la série Dallas dans le rôle d'April Stevens Ewing, mais surtout connue pour son rôle d'Alexandra Kyle dans la série Walker Texas Ranger. 1970, naissance de Jennifer Connelly, actrice américaine, vue dans Les Hommes de l'Ombre, Requiem for a Dream dans le rôle de Marianne Silver, un homme d'exception dans le rôle d'Alicia Nash, récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Hulk, Ce que pensent les hommes, et elle sera à l'affiche l'an prochain dans le film Top Gun Maverick. 1984, naissance de Mathieu Ladagnou, cycliste sur route français, champion de France de l'américaine, champion de France de poursuite par équipe en 2005 et 2006 et champion de France de poursuite en 2011. 1986, naissance de Katrina Patchett, danseuse et chorégraphe australienne connue pour sa participation à l'émission télé Danse avec les stars depuis 2011. 1989, naissance de Tal, chanteuse et danseuse franco-israélienne. 1991, naissance de Jaime Lorente, acteur espagnol, qui incarne Ricardo Ramos alias Denver depuis 2017 dans la Casa de Papel. Et depuis 2018, on peut le voir dans la série Elite dans le rôle de Fernando Garcia Dominguez alias Nano. Et on termine les anniversaires en 1996 avec la naissance de Marwa Loud, chanteuse française, notamment connue pour le titre « Fallait pas », dont on écoute tout de suite un extrait. Pas trop. Voilà pour l'extrait donc du titre Fallait pas de Marwan Oud. Tout de suite, on s'écoute Kenny Francis qui a interprété le titre White Christmas. On écoute ça tout de suite. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all White Christmas, interprété par Kenny Francis à 12 jours du réveillon de Noël. Et oui, on a fait la moitié du calendrier de l'Avent déjà pour les petits gourmands. Il ne reste que 12 cases à ouvrir dans ce fameux calendrier. Allez, il est 8h49, passé de plusieurs secondes. On fait tout de suite un point sur la météo. La météo. Bon, ce sera pas joli joli aujourd'hui, hein. Ce sera nuages, pluie, de la neige sur les hauteurs vosgiennes, peut-être quelques éclaircies cet après-midi, mais alors je dis bien peut-être. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés ce matin, entre 3 et 5 degrés pour cet après-midi. Vendredi, ce sera de la pluie. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour demain après-midi. Samedi, de la pluie. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 7 et 8 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football Football, Ligue des Champions et large victoire hier soir du Paris Saint-Germain, 5-0 face à Galatasaray. La Juventus de Turin s'est imposée 2-0 à Leverkusen, le Real Madrid s'est imposé 3-1 à Bruges et le Bayern Munich s'est imposé 3-1 face à Tottenham. Ce soir, il y a de l'Europa League avec Rennes qui reçoit la Lazio et Saint-Etienne qui se déplace au club de Wolfsburg. Un mot de basket avec les résultats de la NBA. Cette nuit, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est incliné 87 à 96 face aux Lakers de Los Angeles. 18 points tout de même pour le Français. L'équipe de Charlotte, privée de Nicolas Batum, absent pour une blessure à la main, s'est imposée face à Brooklyn. L'Utah Jazz de Rudy Gobert, plutôt en forme cette nuit, hein, 20 points, 16 rebonds, s'est imposé au Minnesota 116 à 127. Et enfin, l'équipe de New York de Tilikina, à 2 petits points, s'est imposée face aux Golden State Warriors après prolongation 122 à 124. C'est tout pour l'actualité sportive. On va faire un point sur la journée plaisir et bien-être. Je vous en parle depuis le début de la semaine. 12 rue des Capucins, Armiremont, ce samedi de 10h à 23h. Entrée libre et gratuite. Journée dédiée aux femmes. À noter que les enfants sont les bienvenus. Des animations et ateliers créatifs sont prévus toute la journée. Les stands présents, alors aînés, massage, relooking, coiffure, maquillage, vêtements, bar à ongles, produits minceurs, phyto, soins du visage. Et j'en passe, hein, et du corps, sophrologie et même voyance. Pour plus de renseignements, eh bien, le numéro de téléphone, c'est le 06 75 95 44 34. Et l'adresse mail, eh bien, c'est créacoupdecoeur@hotmail.fr. Et il y avait un autre événement dont je voulais vous parler. Je suis en train de le chercher. C'est là, toujours la ville de Remiremont. Et c'est, eh bien, ça s'intitule À Noël chez Charles. C'est ce samedi 14 décembre. Venez fêter les fêtes de fin d'année avec Charles. Mais qui est-ce donc? Charles Friri, Charles de Bruyère, pardi, tout dont les deux musées Romary-Montin portent le nom. Eh bien, le thème de la visite est secret, mais le petit renne dit que c'est en lien avec Noël et l'Saint-Nicolas. Venez, Charles vous attend dans une ambiance festive. C'est ce samedi, donc 14 décembre, à 16h, tarif de 6 euros au musée Charles de Bruyère, 1 rue Paul Doumer, donc à Remiremont. Voilà donc pour les événements à Remiremont. Nous, tout de suite, on va s'écouter la dernière pause musicale avec la chanteuse Tal et son sens de la vie. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux. Et juste hors de l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Trouver le sens de la vie que je mène et je l'ai. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Tout sens en contresens, on se perd toujours. Quand on fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je...